Deuxième livre des Chroniques, chapitre 5. Ainsi tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel fut achevé. Puis Salomon fit apporter dedans ce que David son père avait consacré, savoir l'argent, et tous les vaisseaux, et il le mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël, et tous les chefs des tribus, les principaux des pères des enfants d'Israël, pour emporter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de la cité de David, qui est Sion. Et tous ceux d'Israël furent assemblés vers le roi, en la fête solennelle qui est au septième mois. Tous les anciens donc d'Israël vinrent, et les Lévites portèrent l'arche. Ainsi on emporta l'arche, et le tabernacle d'assignation, et tous les saints vaisseaux qui étaient dans le tabernacle, les sacrificateurs, dis-je, et les Lévites les emportèrent. Or le roi Salomon, et toute l'assemblée d'Israël, qui s'était rendue auprès de lui, était devant l'arche, sacrifiant du gros et du menu bétail en si grand nombre, qu'on ne le pouvait nombrer ni compter. Et les sacrificateurs apportèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel en son lieu, dans l'oracle de la maison, au lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins étendaient les ailes sur l'endroit où devait être l'arche, et les chérubins couvraient l'arche et ses barres. Et ils retirèrent les barres en dedans, de sorte que les bouts des barres, se voyaient lors de l'arche sur le devant de l'oracle, mais ils ne se voyaient point en dehors, et elles sont demeurées là jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables, que Moïse y avait mises en Horeb, quand l'Éternel traita alliance avec les enfants d'Israël, après qu'ils furent sortis d'Égypte. Or il arriva que comme les sacrificateurs furent sortis du lieu saint, car tous les sacrificateurs qui se trouvèrent là se sanctifièrent, sans observer les départements, et que les Lévites qui étaient chantres, selon tous leurs départements, tant d'Azaph, que d'Héman, et de Jédutun, et de leurs fils, et de leurs frères, vêtus de fin lin, avec des cymbales, des musettes et des violons, se tenaient vers l'orient de l'autel, et avec eux 20 sacrificateurs, qui sonnaient des trompettes, il arriva, dis-je, que tous ensemble sonnant des trompettes, et chantant, et faisant retentir tous d'un accord, leur voix pour louer et célébrer l'Éternel, élevant donc leur voix avec des trompettes, des cymbales, et d'autres instruments de musique en louant l'Éternel de ce qu'il est bon. Parce que sa miséricorde demeura toujours, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, en sorte que les sacrificateurs ne se pouvaient tenir debout pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel avait rempli la maison de Dieu.